Check your bumba, touch up your ankle and show me your groove. Free your pum pum, viva vida loca. A chocolate girl, so call me Willy Wonka. See your body by my univis. Big body, go kaka uni please. T-wine, jerk all is a gliss. T-wine, jerk all is a gliss. J'ai bien face droite, j'ai bien face gauche. Montez en l'air la bête, et puis gal coach. Tout ça, moi c'est un don dada. Un kaka, les taux de gal, t'es femme, ma go kaka. Compilote, Mane plis fes, fon fe vibri sa kon iPhone XS. An pike jalousi ou jani dis ex. An yon pe glasses, an check an business. E sa kaba, an ka smoke, girl, a listen maga. An y say la babi, yo, an clocks 9 maga. J'ai bien yon face droite, j'ai bien yon face gauche. Montez yon la bête, et puis gal coach. Ou sef moi si yon don dada. An kaka le tout kate, fon ma go kaka. Kon pilote, kon pilote. Kaka les top femmes, sans culotte, coupulotte, coco. En kaka les top femmes, sans culotte. Quelle bouche ton bite ass, quelle bouche ton bite ass. Fini wagnon, y'a ma cat ma roco de pâtes. Mythique ou ma cat de pâtes. Oh, pas garde, m'se top, check your bomba. Touch up your ankle and show me your guaca. Free your pom pom, viva vida loca. Hot chocolate girl, so call me Willy Wonka. See you body by my univis. Big body go kaka uni please. T-wine jerk all is a gliss. T-wine jerk all is a gliss. J'ai bien face droite, j'ai bien face gauche. Montez en l'air la bête, et puis gal coach. Tout ça m'a fait yon don dada. Go, go kaka. Compilote, compilote. Coco. En kaka les top femmes, sans culotte. Compilote, en kaka les top